C'est ça, la 8 des pipes, la vie 54 gros. C'est comment que ça se passe, perds pas le nord. On va passer des nuits, c'est ça. Sur l'instru, plus je pose, plus je m'instruis. Dégommer le beat, mon but, même à ton insu. Si t'aimes pas, je respecte, j'assume. Même si je kifferais que tu dises, il assure. Sur la basse, ça fuse, j'ai la rime qui s'affûte. T'avoues que sur beat, j'ai le flow qui s'amuse. Les M6 déclassent des guises, un rap bis débile. Ça veut lâcher des balles, mais ça se débile depuis chaque fin de ville. C'est le bordel dans ma ville, c'est la merde dans ma vie. La réussite me fuit, tout ce que j'entreprends pas en vie. Toujours avec la même envie, j'arrache le beat et rien à battre de ce que t'en penses. Rater la feuille, t'as fait mes phases, mon kiff depuis l'adolescence. C'est juste un texte de plus avec un flow qui t'attend. Rafale lyrical qui fait trembler les murs de ta ville. 2008 plus ambitieux que jamais. Je passe mes journées à bosser le son comme un acharné. Ouais, cool, depuis petit peu, rate ma charmée. C'est charmé, on arrache les portes. 5-4, la 8 épique, jamais rien lâché. Même après l'effort. J'en ai passé des nuits dans les rues de Longwy. Dans le froid et l'ennui, sans rebiel, il te chie. J'en ai passé des jours à croiser les douches, à dévier mon regard rouge pour esquiver la fouille. Puis j'ai tué des sœurs dans ma vie de chômeur. Apprends à cœur mon rôle de rappeur. J'ai passé des minutes à compter les secondes et j'ai sali des blocs-notes à exploiter ce don. On est à le allons oui, 54 au pays, à la fois ville et prairie, QG des intempéries, déconseillé par les touristes. Et sur le gâteau la cerise, c'est que les routes se pourrissent pendant que les ronds-points fleurissent. Des larmes de joie et de haine jusqu'à ma crache. J'en ai laissé de l'ADN de chez moi à la place d'Arche. Ça fait qu'une borne, mais multiplié par 20 ans, ça fait de la marche. Cousin, ça fait de la marche, ouais, ouais. Puis du petit parc, on passait au proxy à la borne rouge. Posé sur le king par impossible, pas croiser une gove de hnouche. Laisse-moi guider tes oreilles dans mon coin perdu de la meurtre des Moselles. C'est Louis, frontalier de la noblesse, des PDG obèses qui pèsent des lions mis. Et pour l'État, nous on est qui? Le fruit omis de la carotte plantée qui lui ont mis. J'en ai passé des nuits dans les rues de Longwy. Dans le froid et l'ennui, sans rebien ni que chie. J'en ai passé des jours à